This a word. Un sac, une caisse qui grince. Y'a du bruit, y'a du style, y'a même des palmiers qui dansent. Le soleil tape, la base est prête. Un cri lointain, c'est qui pète? J'suis en tongue, j'monte la colline. Un semi bloqué sur des mines. J'pose mon sac dans un buisson Rider Skill en mission, version cartoon. J'ai crafté 8 C4 sans recette, avec du jus de cactus et une fourchette. Le plan y'en a pas, c'est freestyle. Mais j'porte un casque rose, ça fait le style. Slip moulant et sac de C4. Raid en tongue, garde de bar. Même sans shoot, on reste des stars. Avec un cri de guerre qui fait ouah. Slip moulant et sac de C4. Ça pue la sueur mais c'est bizarre. On court, on crie, on rit trop fort. Rider Skill transforme ta base en décor. J'crois qu'il nous a vu, tire. Non c'est une vache, calme-toi, respire. Un ours arrive, j'lui donne du pain. Il meurt pas mais j'le nomme copain. On fait du RP en plein feu. Je décore ta base avec des pneus. Pendant que t'es off, j'fais un sketch. Ton lit devient un totem, wesh. Slip moulant et sac de C4. Été nucléaire, ambiance rare. Y'a du feu, y'a des bouses, y'a du loot. Mais surtout, Rider Skill met les croûtes. It's a why. It's a why. It's a why. Why, why, why, why, why. Why the skill? The skill. Why? Et là, t'entends un bip. Tu sais que c'est fini. Tu regardes ton écran et tu pleures ton sleeping bag. T'as loge hier, t'as des coquelines. Mais moi j'suis là, planqué dans le bin. J'bouge pas, j'mange mes chips. Et j'te démonte avec mes clips. J'ai loot ta cuisine et ta réserve. J'ai laissé une lettre, ton stuff nerve. Une signal cure en bas de page. Rider Skill, ambassadeur du carnage. Slip moulant et sac de sécurité.